au fond près du radiateur sans suspension. Radioactif comme le nucléaire. On roule boxon. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom ? Au fond près du radiateur. Family bitch, yo. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok mon man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond très sur radiateur.fr. C'est aux gens qui luttent de faire l'info. La grande gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis, 19h à 20h30. Sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux fafs. Voilà, bah on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, A-N-F-A-L-S-H, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond, près du radiateur 106.3 FM. Nous sommes ce soir en compagnie de pas mal de monde autour de cette table. Bon, il nous manque une partie de l'équipe pour le moment, mais elle ne devrait pas tarder à arriver. Cependant, on a des invités exceptionnels ce soir, Robin et Thomas d'Act Up Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous ce soir, Alexis qui nous présentera sa chronique musicale dans un petit instant, et à la technique, Thomas qui nous a rejoint récemment. Ce soir, on va parler, comme vous le savez, de lutte. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On va parler de lutte, on va parler de militantisme queer, on va parler des flics. Pas les bons flics, hein, parce qu'il n'y en a pas. Et on va parler de tout un tas de bordel social, parce qu'on commence l'année en beauté. Mais on fera ça juste après une petite pause musicale. Doing that St. Rita dance, and I'm fancying, yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Whenever this chill comes over me, I wanna hug you with all of my might. That's right, and I'm sweating. Oh, yeah, you got me shaking. You got me sweating. Oh, yeah, you got me shaking. Around and your feet run cold. I got fever. on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Rebonsoir tout le monde, vous êtes sur la 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Du coup, c'est moi, Alexis. C'était juste pour vous faire un petit point très rapide au fond, près du jukebox, d'une petite seconde, à rappeler à tous nos auditeurs que le 28 janvier, je vous invite à me rejoindre pour une émission spéciale Source Phonique. Ça sera mardi prochain de 19h à 20h30. N'oubliez pas que vous avez également la soirée de Nataraja et la quarantaine organisée ce samedi 26 janvier. Et c'était une petite chronique très brève. On avait un invité ce soir qui s'appelle Olivier Domangy, qui était censé nous faire de la musique en live au dernier moment, les aléas du direct, la vie, tout ça, tout ça. Il y a eu une petite annulation, donc c'est pas très grave. Je vous renvoie à Guillaume et tous ces invités de ce soir. Ça va être une émission très particulière et unique, comme tous les mardis. Merci beaucoup Alexis. Donc oui, comme on le disait cette année, déjà merci pour ce petit point culture qui a été très bref. Je pouvais pas faire plus. J'ai rien sous la dent. Non, du coup on va parler de ce début d'année, voilà, qui commence à être avancé. Hein, je vous aurais bien souhaité mes meilleurs vœux ce soir, malheureusement. Non, c'était positif. On peut quand même se le souhaiter. On peut se souhaiter des bonnes choses. Malheureusement, je crois que l'année va être assez sportive. Du moins pour les militants et les activistes qui vont devoir faire la course devant bon nombre de CRS qui sont sur les dents. Hein, ils sont sur les dents en ce moment, de plus en plus zen. Je crois que d'ailleurs, on a des gens qui sont là ce soir pour nous parler de violences policières, je crois. Parce qu'il me semble qu'ACT UP Paris était un rassemblement il n'y a pas longtemps qui était initié par le Witch Block Paname. Un rassemblement auquel vous avez été bien accueillis, me semble-t-il. Oui, il faut que je fasse un peu de teasing là, c'est ça? C'est ça, lâche-toi. Oui, bah du coup, ACT UP Paris a voté la participation à la riposte féministe contre la marche pour la vie qui avait lieu dimanche. Et pour faire un peu de teasing, du coup, il semblerait que les forces de l'ordre avaient comme consigne de prévenir tout contact entre activistes et anti-IVG. Donc on a été effectivement bien accueillis par les CRS, très formés et très fachos. Et c'était quel type d'accueil finalement Bah, c'était un type d'accueil musclé qui consistait à placer les militants en ligne contre un mur, à vider leurs sacs et à faire un contrôle d'identité systématique, à tenir des propos plutôt jugeants et à détruire leur matériel militant et de prévention. Donc face à ça, vous avez réagi comment globalement? Je suppose que vous ne les avez pas félicités. Non, mais après on est resté assez sobre. Hein. On a été dans la réponse un peu légaliste, c'est-à-dire en demandant au CRS de nous expliquer ce qui était en train de se passer, de nous dire nos droits. Ce à quoi on a eu droit comme réponse à « pas de droit pour vous, que des devoirs ». Et une comparaison entre la France d'Emmanuel Macron et la Corée du Nord de Kim Jong-un. Alors, c'est pas nous qui l'avons faite. Des fois, on dit qu'ACT UP est un peu dans l'excès. Bah là, pour le coup, c'était ce monsieur CRS dont le matricule reste à ce jour toujours inconnu. Ils sont merveilleux quand même, ces CRS. Ils représentent un gouvernement qui est relativement de droite et finalement, ils font des comparaisons avec un gouvernement qui est communiste. Hein, enfin, communiste, entre guillemets. On mettra le communisme, en dehors de ça pour ce soir. Du coup, cet accueil qui a été musclé, je suppose que vous n'étiez pas tout seul face à ça. Il y avait d'autres mouvements qui étaient avec vous ce soir-là. Quelles sont les réactions finalement que vous avez eues vis-à-vis de cet accueil Alors, la particularité, en fait, c'est que le rassemblement était l'après-midi. Il était appelé à 14h. Nous, on est arrivés assez tard, vers 15h30. En fait, la difficulté, ça posera des questions pour l'organisation de prochaines contre-manifestations, s'il y en a, mais c'est la question du point de rendez-vous et du point de rendez-vous discret entre activistes qui participent à une manifestation non déclarée. On a été tout seul sur le moment de l'interpellation, interpellation entre guillemets, parce que on est arrivé à un point de rendez-vous un peu général, c'est-à-dire le métro Boissière, mais pas à une sortie déterminée. Donc la difficulté, ça a été de trouver le point de rendez-vous, et c'est avant de trouver le point de rendez-vous que l'interpellation, ou plutôt la souricière, comme on pourrait la traduire, le dire en langage d'émeutier, la souricière s'est faite. Donc du coup, nous, on était plutôt seuls, et en fait, souvent, quand on a fait le témoignage ensuite sur Twitter, etc., on nous demandait des preuves par l'image. Et la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de journaliste sur place. Nous, on n'avait pas le droit de saisir nos téléphones parce que quand on l'a fait, notamment pour prévenir les camarades d'ACT UP qui étaient au local à ce moment-là, ils ont été balancés au sol. Ou alors, la menace était, pour ceux qui ne l'ont pas été, la menace était très forte de le faire pour ceux qui voulaient appeler. Donc, il n'y a pas de preuve d'image, il n'y a pas de témoignage d'autres organisations. Il y a juste les militants d'ACT UP Paris qui l'ont vu. Et après, on a rejoint par contre une NAS, une souricière, composée d'autres activistes qui avaient été interpellés juste avant. Donc finalement, vous êtes fait cueillir au métro. Exactement. Vous êtes arrivé par le métro, vous êtes reparti par le métro d'ailleurs, si je ne me trompe pas, puisque finalement, vous n'avez pas quitté les flics de tout ce temps-là, hein, qui vous ont gardé sous bonne garde, finalement. Tout à fait. Donc, suite au contrôle d'identité, donc ils ont le droit d'opérer un contrôle d'identité. Ce qu'il faut, c'est qu'ils nous disent la raison qui les pousse à faire ce contrôle. Évidemment, il n'y en avait pas. Après le contrôle d'identité, le vidage, est-ce qu'on peut dire ça, le vidage de nos sacs, le fait qu'ils constatent certains éléments dans nos sacs qui laissaient penser qu'on était un petit peu homosexuel et un petit peu de gauche et qui ne correspondaient pas vraiment au code de la marche pour la vie. Donc là, on a eu droit à quelques insultes, au piétinement de notre drapeau, du symbole d'ACT UP Paris, donc le triangle rose sur fond noir, avec un petit regard lubrique de la part du CRS facho. Et ensuite, on a été amené dans cette NAS avec une partie de militantes féministes qui étaient déjà dans cette souricière depuis peut-être 30 minutes. Et nous, on y est resté bien 40 minutes. Et après, ils nous ont proposé de partir vers le métro en nous promettant la destruction de nos biens. Donc ça, c'était, ça me rappelle un petit peu une scène qu'il y avait eu dernièrement, hein, également, où il y avait des militants de la Chapelle Debout qui faisaient un rassemblement au niveau de la Comédie-Française, et c'est un peu de la même façon qu'ils ont été accueillis, hein, finalement, un peu plus violemment pour le coup. Il y avait du gaz dans tous les sens et des coups de matraque. Est-ce que vous s'en est arrivé à ce point-là ou, Alors nous, il n'y avait pas d'utilisation de gazeuse parce qu'on était beaucoup trop peu nombreux. On était 5 militants d'ACT UP Paris, donc ça ne servait à rien. Les matraques ont été utilisées pour nous contraindre à nous aligner au niveau du mur. Donc il y a une militante qui a eu droit à quelques petits coups dans le dos. La violence restait vraiment plutôt symbolique que physique, je dirais. C'est ce qu'on a dit à d'autres journalistes qui nous ont ensuite posé des questions suite au témoignage sur Twitter. En fait, là où on a été choqués, c'est vraiment par les propos, la comparaison avec la dictature, comme s'il fallait s'estimer heureux d'avoir une privation de droit de manifester, le fait de dire qu'on n'avait pas de droit que des devoirs, le fait d'avoir piétiné notre drapeau avec un regard un peu gênant, c'est un euphémisme, hein, gênant. C'est plutôt ça qui nous a choqués. Il n'y a pas eu d'utilisation de violence comme il peut y en avoir souvent sur les migrants, les migrantes ou des populations plus, disons, plus vulnérables que nous et qui peuvent être plus facilement battues par la police que nous, quoi. Donc finalement, ce que vous avez ressenti là-bas, c'était plus que de la violence, c'était une oppression vis-à-vis des forces de l'ordre, entre guillemets. Oui, y a deux choses pour moi importantes à retenir de cette journée. C'est la violence symbolique donc utilisée avec les propos, etc. Et la violence, je pourrais dire, légale, qui est celle de la diminution, la limitation de plus en plus forte en France du droit de manifester. Et c'est une discussion qu'on a eue avec une journaliste canadienne qui nous posait des questions sur ça. Effectivement, en cohérence avec les rapports d'Amnesty International depuis mai 2016, mai 2017, là, c'était une illustration flagrante de ça, c'est-à-dire une anticipation à la Minority Report de éventuels troubles à l'ordre public. C'était la justification des CRS, c'était trouble à l'ordre public. Il n'y a pas beaucoup d'autres mots que trouble à l'ordre public, hein, c'est pour ça, c'est pas une phrase, mais oui, d'accord, juste ces mots-là. C'est un peu fourre-tout. C'est un peu fourre-tout. Et du coup, on se rencontre très matériellement On le savait depuis longtemps, hein, on est beaucoup à avoir participé aux manifs contre la loi travail, etc., qu'il y a une diminution peu à peu du droit de manifester et qui est en fait assumée complètement par les forces de l'ordre. Donc moi, c'est ces deux pans-là de la journée qui m'ont marqué, violence symbolique et réduction de liberté fondamentale, quoi. Et finalement, est-ce que vous avez réussi à faire ce pour quoi vous étiez venu? C'est-à-dire vous engager dans cette contre-manif, ou est-ce que vous étiez vraiment tenu à l'écart, et quand je dis à l'écart, c'est assez loin ces gens fins d'esprit de la manif pour tous ne puissent pas vous voir? Bon, il y a deux manières de voir la journée, le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié vide, pour commencer, on a clairement pas trop dérangé la marche pour la vie. Mmh. On les a peut-être un petit peu désorganisés. Après, ils étaient 1000 bénévoles venus de je ne sais pas combien de coins de la France. Principalement, les services d'ordre étaient constitués de groupes néo-faf, Action Française, GUD, etc. Mmh. Donc, le verre à moitié vide, c'est qu'en fait, ils nous ont principalement regardés depuis l'extérieur, vu qu'on était dans une souricière, et ça leur a fait beaucoup plaisir. Donc, ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que on a un peu désorganisé le truc. On a montré que c'était pas normal en 2019 en France d'avoir une manif avec 8000 pélos, entre 8000 et 50000, je dirais 10000 du coup, qui disent encore, dont des ados, enfin ça c'est absolument hallucinant, des ados qui sont encore puceaux, qui viennent nous raconter que l'embryon est une personne. On a un peu désorganisé ça. Et l'autre aspect positif, et c'est ce qu'a dit le Witchblock Paname dans son communiqué par la suite, qui nous remercie d'ailleurs d'être venus, qui remercie tous les collectifs, ils disent en fait, même si on n'a pas réussi à être confronté directement avec la marche pour la vie, on a réussi à faire une belle manifestation sauvage de Palais-Royal à Concorde, ce qui est quand même marrant d'être avec des féministes, des travailleurs, des travailleuses du sexe, des queers radicales dans la rue de Rivoli, quoi. Voilà, c'est un petit peu jouissif. Bon, qui finit aussi en as et qui finit aussi en une heure de contrôle d'identité. Mais ça reste une micro-victoire comme on est habitué à en avoir. Donc voilà, on peut voir la journée de deux points de vue. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement finalement qui va continuer à prendre de l'ampleur, celui dans lequel vous vous êtes inscrit en tant qu'Act Up Paris? Est-ce que tu penses que le fait de devoir lutter contre tous ces fachos, c'est quelque chose qui va devenir plus que régulier, plus que ça l'était déjà avant? Est-ce que tu penses que ça va s'intensifier? Alors moi, je voudrais pas parler à la place des collectifs féministes qui avaient appelé à cette riposte. Nous, on s'est juste joint à l'appel en étant plutôt accompagnant, quoi. Mais l'analyse qu'en fait le Witchblock Paname, c'est plutôt positif. C'est plutôt un succès, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait une participation grandissante de collectifs antifascistes, de gauche, anti-réac, quoi, qui se réunissaient. Et ce dimanche, c'était plutôt un succès en termes de nombre de collectifs et de nombre de participants à la riposte féministe. Donc moi, je le vois comme un truc, comme une très bonne nouvelle. Et je pense quand même, je suis assez optimiste sur ce sujet, que le nombre de réac anti-IVG va peu à peu baisser. Enfin, c'est un peu la loi de l'évolution, quoi. Tu penses vraiment qu'ils vont réduire? C'est mon avis, c'est pas celui d'Act Up Paris forcément, mais là, pour le coup, oui, moi je pense que en termes d'influence, il y a un risque. En fait, il y a toujours un risque, et c'est pour ça qu'on y va, et c'est pour ça qu'on y participe, c'est pour ça qu'Act Up Paris a voté la participation. Le constat qu'on a fait, nous, c'est il y a toujours un risque que les droits fondamentaux soient remis en cause. On l'a vu dernièrement avec des débats sur le référendum d'initiative citoyenne, ce genre de truc. Il y a toujours un risque pour que les fascistes arrivent au pouvoir. Il y a plein d'études là-dessus, de sociologues, de politistes, etc. Donc c'est pour ça qu'on y va. Après, moi, sur ce droit-là, j'ai l'impression qu'on a les forces militantes quand même, et même institutionnel, s'il y a au moins ce droit-là qu'on peut garder. Après, voilà, il faut être vigilant, et c'est pour ça qu'on y participe, quoi. Donc finalement, ces gens te font pas peur, quoi? Si, bien sûr qu'ils font peur. Non, mais bien sûr qu'ils font peur, et c'est pour ça qu'il faut y être, qu'il faut absolument lutter contre et les faire taire. Après, moi, mon avis, c'est que sur ce sujet, je suis confiant pour qu'on arrive toujours à mobiliser. Mais voilà, comme disaient les féministes du 20e, c'est les droits qu'on défend pas, ils se perdent très vite, quoi. Donc. Robin, tu avais quelque chose à rajouter, me semble-t-il. Je te voyais sautiller sur ta chaise. Oui, une petite nuance, je dirais. petite nuance, et c'était, je crois que c'était Beauvoir qui disait ça dans son bouquin du deuxième sexe, qui disait justement que les premiers droits qui seront forcément remis en question le jour où on arrivera à des forces réactionnaires qui prennent le pouvoir sont forcément les droits des minorités, en particulier des femmes, des LGBT, etc. Et on le voit très bien dans ce qui se passe actuellement, que ce soit Bolsonaro au Brésil, que ce soit Salvini en Italie, que ce soit en Autriche, bref, tous ces pays-là, les premiers qui se font taper dessus et du moins qui perdent des avancées, ce sont les personnes LGBT, ce sont les personnes malades, ce sont les femmes, ce sont les personnes minoritaires en tant que personnes racisées dans la société où ils sont. Donc c'est pour ça. Enfin, j'aimerais avoir un fort optimisme, mais je pense qu'en France on peut l'avoir parce qu'on a construit une base qui est solide avec des militants qui sont solides. Après, force est de constater, et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, que l'extrême droite progresse, que mine de rien, les prochaines élections, la personne qui est en tête reste quand même Marine Le Pen. Donc, bon, voilà, ça pose quand même des questions au bout d'un moment, même si j'ai confiance dans notre capacité de réaction et de résistance, quoi. Je vous propose une petite pause musicale, on revient là-dessus juste après, donc on se dit à tout de suite. Beat back. Et rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur 106.3 FM. Nous sommes en compagnie toujours de nos invités de ce soir, Thomas et Robin d'ACT UP Paris. Nous étions en train de parler de violences policières vis-à-vis d'ACT UP, hein, vis-à-vis de ce que vous avez subi lors du rassemblement initié par le Witch Block contre la Marche pour la Vie. Moi, je crois qu'il y a, il y a quelque chose que vous vouliez développer tout à l'heure, qui est outre la représentation sociale des violences que peuvent subir aujourd'hui les personnes LGBT. Il y a aussi toute une violence finalement qui découle de la violence qu'on cachait avant. C'était ça tout à l'heure dont tu me parlais. Oui. En effet. Non, globalement, je pense qu'il y a une. Aujourd'hui, globalement, on a une mise en avant de la violence policière parce que ça fait 2 mois qu'on a des mouvements avec les Gilets jaunes où, du coup, il y a en effet une forte répression. Mais du coup, cette répression, elle n'est pas nouvelle. Donc, les flashballs ne sont pas nouveaux, les grenades de désencerclement, elles ne sont pas nouvelles non plus. Ça fait longtemps qu'elles existent. Elles ont existé. Rémi Fraisse, dans la ZAD à côté de Gaillac, est mort à cause d'une grenade de désencerclement. Et les répressions contre les mouvements, et en particulier les mouvements populaires, existent depuis très longtemps. C'est juste que globalement, avant, ça concernait en majorité des personnes issues souvent des banlieues, souvent issues des minorités racisées. Et donc, du coup, globalement, on n'avait un peu rien à foutre. Et BFM TV en particulier les retransmettait quand même beaucoup moins qu'avant. C'est vrai que là, depuis qu'on est dans un mouvement qui est composé plutôt de classe moyenne, de personnes quand même plutôt blanches, plus de 40 ans, plutôt hétéros, plutôt, bref, on peut rajouter... Plutôt françaises, voilà. Franco-françaises... On peut rajouter un certain nombre d'adjectifs comme ça. Je dirais aussi depuis que les journalistes en sont victimes un peu plus qu'avant. Je trouve que ça a beaucoup joué dans la médiatisation des violences. Alors oui et non, parce que je pense que les policiers ont toujours... les journalistes ont toujours été victimes à partir du moment où ils ont couvert les mouvements. C'est-à-dire qu'avant, ils couvraient moins les mouvements, en fait. C'est surtout ça. Quand tu reprends les mouvements du CPE, quand tu reprends les grands mouvements sociaux, les journalistes étaient présents et étaient tout autant victimes que les manifestants sur ces questions-là. La problématique qu'il y a, par contre, c'est que tu verras rarement un journaliste aller en 2005, par exemple, dans les révoltes des banlieues, faire un tour dans les cités pour aller... Voilà. Donc, du coup, forcément, ils se prennent moins de tirs de flashball dans la gueule parce qu'ils ne sont pas sur place, en fait. Parce que, du coup, ils ne couvrent pas l'événement, parce que, du coup, ça ne concerne pas ceux que les médias mainstream intéressent. Et du coup, la violence que tu relates vis-à-vis de cette violence qui est sociétale, qui est générale, finalement, à ton avis, dans quel sens elle évolue ? Enfin, est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'elle s'est développée ? Ou est-ce que c'est juste une image que renvoient les médias ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est toute la question de la violence symbolique et de la violence physique. C'est-à-dire que le média va montrer une violence qui est visible, qui est globalement des bagnoles qui brûlent, qui va être des pillages de magasins, qui sont certes impressionnants en termes d'image, mais en même temps l'image c'est ce qui fait le média, donc c'est normal. Mm-hmm. Par contre la violence symbolique elle n'est pas montrable, donc elle est très difficilement montrable. La question de la pauvreté, la question de... c'est pas ça qui fait vendre et c'est pas ça qui se montre. Donc du coup, pour moi, c'est une violence qui existe et qui est latente dans la société depuis le début, qui est là parce que on est dans une société qui est inégalitaire de base, parce qu'on est dans une société capitaliste. Donc du coup, il y a forcément, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de prendre à quelqu'un d'autre. C'est le principe même de la société actuelle. Donc du coup, forcément, ça crée de la violence. Là, aujourd'hui, on a une violence qui s'exprime, qu'on va estimer exacerbé, mais moi finalement cette violence qui est certes physique, mais qui est en fait extrêmement matérielle, je la trouve très peu violente par rapport à la violence que les gens subissent dans leur vie de tous les jours, au niveau de leurs droits, au niveau leurs conditions de vie, au niveau de leurs conditions de travail, qui sont à mon avis bien plus violents que d'aller brûler un Starbucks, qui de toute façon se fera rembourser par une assurance qui est aussi plausible. Donc finalement, c'est pour toi ce qui pose problème aujourd'hui, c'est plus une image qui est renvoyée que les faits réels. On essaye de faire porter, en fait, sur le dos de quelques personnes qui sont violentes, disons physiquement, à casser des vitrines, etc., une responsabilité totale de la violence actuelle. Par contre, ceux qui ont vraiment le monopole de la violence, et d'ailleurs, c'est une définition même de, c'est la définition même de l'État en sociologie, c'est l'État, on estime que c'est le monopole légitime de la violence. C'est les seuls à avoir la légitimité de la violence. Mais du coup, si c'est les seuls à avoir la légitimité de la violence, il faut qu'ils comprennent aussi à un moment ou à un autre qu'il y a un retour de bâton et que si on ne fait que utiliser la violence sans jamais utiliser autre chose, donc comme le progrès social, comme des possibilités au moins d'avoir des réformes qui amènent à des droits, eh bien, il y a forcément, forcément des conséquences, quoi. Et aujourd'hui, on parle, enfin, ça parle de plus en plus de RIC, de référendum d'initiative citoyenne. Bon sang, j'y arrive pas ce soir. Mais ça parle aussi du grand débat national que veut nous balancer le père Macron. Vis-à-vis de ça, est-ce que Act Up a un positionnement ? Est-ce que toi, tu as un positionnement que tu voudrais partager ? Enfin, est-ce qu'à ton sens, c'est une réponse qui serait apportée, bah, à tout ce tintouin, à tout ce bordel Bah, c'est une réponse démagogique et populiste qui répond globalement à pas grand-chose. C'est une manière de gagner un peu de temps. Il faut se dire qu'il y a les élections européennes qui arrivent. Quand je dis populiste, c'est surtout quand on voit là ce qui va se passer. Je crois que c'est demain soir qu'on a Marlène Schiappa et Cyril Hanouna qui animent quand même. Non, pas demain soir, vendredi soir, pardon. Un grand débat ensemble. Ça fait poser des questions. La question du RIC et du référendum d'initiative citoyenne, ça veut rien dire. La démocratie, ça prend du temps. La démocratie, c'est long. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Et donc, du coup, mettre en place des espèces de référendums sur tout et n'importe quoi, pour n'importe quel sujet, sans prendre le temps de débattre et d'en discuter, ça servira à rien. Et donc, à ton sens, c'est pas une réponse, quoi, tout simplement. Non, c'est pas une réponse. C'est pas adéquat. Et de toute façon, ça jamais fait partie des premières revendications qui ont été posées, hein. Les réponses, s'ils veulent en donner, c'est augmenter les salaires minimums, c'est contrôler les dividendes, c'est baisser les salaires des patrons, c'est améliorer l'accès aux soins, la santé, c'est stopper les politiques racistes, migratoires. Voilà, ça, c'est les réponses. Faire des RIC, c'est juste du populisme. C'est faire semblant de faire croire à un peuple qu'il aurait le contrôle, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on regarde comment marche la démocratie représentative aujourd'hui. On vous fait croire que tous les 5 ans, vous avez le contrôle sur qui est-ce qui va vous gouverner. Ben, moi, globalement, je n'ai pas l'impression d'avoir le contrôle sur Covidal. Et est-ce que tu as cette impression que le mouvement qui a été initié par les Gilets jaunes, qui a été rejoint de parts et d'autres de l'échiquier politique, qui va être rejoint bientôt par les syndicats d'ailleurs, qui appelle à une grève générale début février, le 5, me semble-t-il. Oui. C'est ça. Bah, la CGT, pour l'instant, je crois, juste. Bah, c'est déjà un début. Solidaire qui a posé un préavis depuis un moment aussi. Est-ce que tu penses que tout ce mouvement peut arriver à ses fins, finalement, face à un gouvernement comme celui d'Emmanuel Macron ? La problématique, c'est que Macron, je pense, il s'est fait élire justement sur cette idée qu'il n'était ni de gauche ni de droite et qu'il s'estimait comme venant, sortant des clivages politiques. Genre, globalement, je ne prends pas parti sur des questions conservateurs ou des questions progressistes. Je suis là, en dehors des partis traditionnels. Il y en a une autre qui fait exactement pareil, qui s'appelle Marine Le Pen, pour information, quand même. Et du coup, une fois qu'il s'est fait élire, et bien du coup, en fait, on s'est aperçu de qu'est-ce que c'est qu'un truc de ni droite ni gauche, c'est un truc de droite. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Et du coup, ça, le mouvement des Gilets jaunes qui s'est créé, d'être d'abord créé sur un mouvement qui était transpartisan et qui agglomérait plein de gens. Je pense beaucoup de gens peut-être qui n'ont aussi pas voté, forcément. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec quand même... des récupérations très claires de l'extrême droite, de l'ultra-droite, mais aussi de l'extrême gauche, de gauche tout court. Et du coup, je pense que c'est difficile d'envisager, de voir comment ce mouvement va... ce qu'il va devenir, quoi, clairement. Et je pense que c'est bien que les syndicats rentrent un peu plus dans la lutte, parce que finalement, les revendications qu'il y a aujourd'hui des Gilets jaunes portent quand même à une grande majorité sur des questions de revendication salariale et une grande question sur des questions de revendication de conditions de travail. Et je pense qu'il y a eu un moment peut-être où ils auraient été un peu plus volontaires et un peu moins frileux et rentrer un peu plus et ravaler un peu leur fierté de ne peut-être pas avoir été forcément à l'initiative d'un mouvement populaire comme ça avait été le cas auparavant. Et est-ce que, à ton sens, finalement, le problème avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est un manque d'écoute populaire, ou est-ce que c'est un manque d'action qu'ils ont Moi, je pense que c'est un je m'en foutisme complet. Le gouvernement actuel en a rien à foutre. Le gouvernement actuel, globalement, de toute façon, n'a pour l'instant fait qu'une politique qui est en dehors, enfin, qui n'est en direction que des personnes qui globalement ont les moyens de production ou ont l'argent. Donc du coup, je pense que Macron a appliqué le programme qu'il a dit qu'il appliquerait. C'est ça en fait qui est inquiétant aussi. C'est-à-dire que Macron n'a jamais menti, moi du moins pour l'instant, il n'a jamais fait autre chose que ce qu'il a dit qu'il ferait. Et là, tout d'un coup, en fait, les gens se réveillent et se disent « Ah mon Dieu !» Mais je pense que globalement, tout le monde a été prévenu avant, et j'ai fait de lire son programme, tout était marqué dedans. Et pour moi, finalement, je ne l'aime pas, mais je ne l'aimais pas avant. Il n'a rien inventé. Hein. Donc pour toi, le problème finalement, c'est les gens qui l'ont élu, hein, forcément, mais c'est peut-être aussi le mode de scrutin qui fait qu'aujourd'hui, on a à la tête d'un pays un mec qui a été... qui a été élu par 20% à tout casser de personnes. La problématique, de toute façon, c'est que la démocratie représentative en France ne veut pas dire grand-chose. La démocratie représentative dans le monde ne veut pas dire grand-chose non plus. De toute façon, c'est pas prêt de changer, et que c'est pas une 6e République qui va changer beaucoup ça, même si ça peut améliorer certaines choses. Je pense que tant qu'on n'aura pas des mandats impératifs imposés à des élus et un contrôle a posteriori et a priori des idées et des programmes des personnes qui se présentent pour la représentation nationale, on n'arrivera pas à grand chose. Et je pense que c'est une crise globale de la démocratie actuelle, et on le voit partout. Je pense que Trump, par exemple, en a été l'expression absolue. Enfin, quand on voit qu'aux États-Unis, quand Trump a été élu, quand même globalement, il faut se dire que la majorité des électeurs qui ont voté pour Hillary Clinton, mais le fait de leur système politique, des grands électeurs et de la démocratie indirecte, ont fait que c'est Trump qui est passé. Et ça n'a pas trop chatouillé les gens, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve extrêmement inquiétant. Et en France, quand on voit qu'il y a, alors je ne sais plus là, le nom du député République En Marche qui a pété un câble en insultant des trucs sexistes sur Esther Benbessa, Joaquin Sonforger, un truc comme ça. Le mec, il s'est barré du groupe République En Marche pour entrer là maintenant au groupe UDI. Et tout le monde s'en fout. Mais moi, personnellement, ce mec, il s'est quand même fait élire par des gens sur un programme politique qui faisait partie d'un groupe politique. Et tout d'un coup, il sort de ce groupe politique pour aller dans un autre qui est dans l'opposition, malgré tout ce qu'on peut en dire. Et ça pète souci. Donc demain, moi, si j'ai envie, je me présente, je ne sais pas, pour la France Insoumise. Je me fais élire pour la France Insoumise. Et puis une fois que je suis élu, je passe au Front National. Oui, c'est vrai que ça pose une... Je suis très loin d'adhérer à la France Insoumise. Et au Front National. Aussi. Moi, la question que je me pose, c'est surtout quand on voit... Parce que tu parlais de Joaquim Sonforger. Il y a d'autres députés de La République En Marche qui font des bourdes très régulièrement. Agnès Thil. Par exemple. Qu'est-ce que toi, en tant que membre du peuple, tu te dis vis-à-vis de ces gens qui sont quand même censés représenter... représenter le peuple, des gens qui les ont amenés jusque-là. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces merdes, toutes ces bourdes qu'ils peuvent faire publiquement, qui plus est, et qui porte préjudice bien souvent à des droits fondamentaux, notamment. Tu parlais d'Agnès Thiel sur la question PMA. De la PMA, par exemple, mais il y en a eu d'autres, notamment sur des propos homophobes, antisémites, et j'en passe. Comment toi, tu vois ça, et à ton avis, est-ce qu'il y a une réponse qu'on peut apporter Je pense que la problématique du mandat aujourd'hui, c'est qu'il protège, alors que le mandat ne devrait pas protéger. Au contraire, le mandat devrait exposer. À partir du moment où tu es mandaté sur un programme, ou du moins sur des idéaux constitutionnels, démocratiques, etc., tu devrais être encore plus responsable que si tu ne l'es pas. C'est le principe, normalement. Et donc, du coup... Agnès Thiel, par exemple, alors, dans une société idéale, elle aurait été destituée de son mandat et rendue inéligible, ou alors elle aurait été renvoyée devant ses électeurs, qui du coup auraient décidé ou pas si elle continuait son mandat. Mais là, globalement, elle fait à peu près ce qu'elle veut. Elle n'a toujours pas été exclue du groupe La République En Marche, elle ne le sera pas. Alors que quand on voit, je ne sais plus le nom de ce député-là qui s'est fait virer Manu Militari du groupe de La République En Marche pour ne pas avoir voté le budget. Donc bon, voilà, ça pose aussi des questions. Hein, c'est-à-dire que ça pose des questions. Non, ça, je confirme juste l'idée que globalement, tant que tu es aligné sur les questions financières et de capital, ça va. Mais par contre, sur les questions des droits humains et sur les questions des droits fondamentaux, c'est pas très grave et on s'en tape un peu, quoi. De toute façon, concrètement, le gouvernement s'en tape de tout. Et c'est un constat amer qu'on fait, mais on l'a déjà fait il y a un moment. Je vous propose qu'on se détende un petit peu, qu'on se fasse une petite pause musicale, et puis on se dit à tout de suite. Et vous êtes de retour sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond, près du radiateur, 106.3 FM. Et toujours, d'ailleurs, en compagnie de nos invités d'Act Up Paris, qui sont là ce soir. Rebonsoir, Robin et Thomas. Rebonsoir. Jusque-là, on évoquait les violences policières. On évoquait un petit peu ce gouvernement qui nous plaît tant, ou pas. Là, on va évoquer un petit peu les violences qui sont faites par la société depuis bien longtemps contre les prostituées. Depuis toujours. Et les travailleurs du sexe, hein, et les travailleuses du sexe de manière générale. Il y avait aujourd'hui au Conseil constitutionnel de longues discussions concernant la question prioritaire de constitutionnalité qui a été initié par plusieurs associations, hein, dont Médecins du Monde, si je ne me trompe pas, le STRAS, donc le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, et Act Up Paris également, qui s'y est joint. Qu'est-ce que ça dit, ces discussions, dans ce si beau lieu ? Eh bien, donc du coup, il y a en effet une question prioritaire de constitutionnalité qui s'est posée il y a environ 3 mois contre une loi qui a été adoptée en 2016, qui est la loi de pénalisation des clients, du coup, qui pénalise les clients des prostituées de 3 500 € d'amende et une obligation de stage de sensibilisation. Et globalement, face au constat qui a été fait par Médecins du Monde et d'autres associations, constat qui est qu'il y a une augmentation des violences, qu'il y a une augmentation de la précarité des personnes, a été posée la question de voilà, est-ce que cette loi respecte la Constitution sur plusieurs niveaux différents. Et donc aujourd'hui, il y avait l'audience, donc une audience qui a duré 2h30. Avec une présentation par des avocats des parties requérantes, donc sur globalement quelle était notre légitimité à poser ces questions-là, et en face évidemment aussi celles qui défendent la loi, donc les associations abolitionnistes qui venaient défendre leur leur bout de steak, on va dire. Je pense que les choses à retenir d'aujourd'hui, c'est que on est sur deux oppositions qui sont une qui est morale et idéologique, donc qui est celle des abolitionnistes, qui est globalement de dire la prostitution c'est mal, la prostitution c'est des femmes qui sont violées. On a atteint des grands points Godwin pendant cette présentation aujourd'hui au Conseil constitutionnel, donc avec une comparaison entre la prostitution et la vente d'organes, où globalement on nous disait que finalement une femme qui vendait, donc j'utilise les termes des positions abolitionnistes, son corps à un homme, c'était un petit peu la même chose que de faire le choix de vendre son organe pour pouvoir survivre. Plein de choses comme ça. Évidemment, on n'en est pas du tout là. Et l'autre positionnement qui était en face, et qui était une position qui était beaucoup plus pragmatique, qui était de dire, globalement, on a une loi qui s'est appliquée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette loi-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté un isolement accru des personnes qui travaillent dans la rue en particulier, une exposition aux violences de plus en plus forte qui ont abouti à des meurtres, comme le meurtre de Vanessa Campos en septembre dernier, dont l'assassin vient d'être arrêté, d'ailleurs. C'est une information importante. Une augmentation à l'exposition aux contaminations, parce que du coup, En fait, il faut se dire qu'à partir du moment où le client est pénalisé et que le risque pénal pose sur le client, forcément, il est plus en capacité, lui, de pouvoir imposer ses envies et ses pratiques. Et du coup, ses envies et ses pratiques sont souvent pas du tout en accord avec les envies et les pratiques des personnes qui sont travailleurs et travailleuses du sexe. Ce sont souvent des pratiques non protégées, des pratiques plus violentes. Donc voilà, globalement aujourd'hui, ça a été une espèce de présentation devant un conseil constitutionnel composé de 8 personnes avec une femme et 7 hommes. On peut se poser aussi la question de la légitimité de ce conseil à vraiment pouvoir statuer sur ce genre de choses. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, avec une grosse violence, et ça, il faut le dire quand même, une grosse violence de la part des avocats abolitionnistes qui nient, en fait, toute agentivité et toute autonomie aux travailleurs et travailleuses du sexe. Ce ne sont que des victimes, ce ne sont que des personnes qui ne pourront jamais choisir, elles ne sont que contraintes, quoi qu'il arrive. Du coup, c'est vrai que on était là, nous, à Top Paris aujourd'hui, on était là pour défendre le fait que, la prostitution peut être un choix. Alors oui, c'est un choix sous contrainte financière, mais comme souvent pour les gens qui cherchent du travail, ça peut être un choix sous contrainte financière parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait que d'exercer la prostitution. Et là, je pense en particulier aux personnes qui n'ont pas de papier et du coup qui n'ont pas le droit de trouver un travail, mais qui ont quand même des factures à payer, qui ont quand même besoin de bouffer à la fin du mois, et donc du coup qui n'ont pas trop le choix en fait d'aller vers la prostitution vu qu'on leur a pas donné de papier. Nous, qu'est-ce qu'on défend à Act Up Paris? On défend le fait que si on veut lutter contre la prostitution aujourd'hui, il y a une manière très simple de le faire. La manière la plus simple de le faire, c'est de donner des papiers aux gens, c'est d'augmenter les allocations pour les mères célibataires, c'est d'augmenter les allocations familiales, lutter contre la société sexiste et patriarcale, mais de manière beaucoup plus en amont que juste en pénalisant le client. C'est lutter contre l'idée de la marchandisation du corps dans les publicités, c'est l'idée contre la marchandisation du corps aux écoles, dans les lycées, les primaires, etc. etc. Bref, plein de mesures en fait qui sont tout à fait faisables mais qui ne sont pas faites et qu'on préfère sous un discours moral et clairement très judéo-chrétien français, on préfère se cacher un peu la tête dans le sable et se dire que on a fait une loi de charité chrétienne qui permet de venir secourir des femmes perdues, sans droit et sans choix, et de venir punir le client qui finalement, qu'est-ce que ça engendre? Donc le client, ce qu'on va estimer comme étant le bon client, donc c'est-à-dire la personne qui ne va pas négocier, la personne qui ne va pas mettre en danger les autres, et bien en fait, il ne va plus venir, parce que du coup, en général, il a peur de la loi. Le mauvais client, par contre, lui, va continuer de venir, parce qu'il en a un peu rien à foutre, en fait, de la législation. Et c'est lui, en fait, qui va être auteur de violence, c'est lui qui va être auteur de problématiques envers des personnes qui sont en effet vulnérables. On ne pourra jamais dire qu'elles ne sont pas vulnérables, c'est pas vrai. Par contre, voilà, il y a des moyens de les protéger, on attend encore. Donc finalement, la seule réponse qui est apportée par la partie adverse, hein, donc la partie abolitionniste vis-à-vis de ces pratiques que sont la prostitution, la seule réponse qu'il y a, c'est une négation totale de la possibilité aux femmes et aux hommes de disposer de leur corps. C'est ça. Et de toute façon, toute l'argumentation s'est faite là-dessus, enfin du moins nous, l'argumentation de notre côté évidemment, elle s'est faite sur plusieurs points. Elle s'est faite sur la question de la liberté sexuelle, qui est du coup, en effet, le droit de disposer de ton corps, et qu'à partir du moment où tu es entre deux adultes consentants, on ne voit pas en quoi l'État viendrait légiférer sur la question, à partir du moment où le consentement est libre et éclairé. Elle s'est faite alors sur un autre plan qui est plus, on va dire, touchy, dans le sens où... Il correspond plus à une vision libérale, mais mine de rien, qui est important aussi et qui pourrait nous permettre peut-être de gagner, qui est la question de... on autorise une activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être prostituée, c'est autorisé. Ça fait même partie des nomenclatures. Quand on se déclare en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que prostituée, il y a une nomenclature prostituée, service à la personne et service de prostitution. D'accord. Et pour autant... On interdit par contre aux clients de venir profiter d'un travail qui du coup est déclaré. Donc du coup on est dans une espèce d'hypocrisie complète de dire vous avez le droit de vous prostituer, par contre les clients n'ont pas le droit de venir profiter de votre service. Bon, c'est quand même très particulier dans le droit. Et c'est on pourrait même dire, alors c'est un des avocats qui parlait de monstre juridique, je ne sais pas si on peut aller jusque là, mais quelque part c'est un peu ça, c'est comme si on disait à un épicier, t'as le droit de vendre, mais par contre, les gens n'ont pas le droit d'acheter. Et parce que finalement, les abolitionnistes voient la prostitution comme une vente d'un objet de manière définitive et pas comme la vente d'un service. C'est ça. Au même titre qu'un comptable viendrait t'aider à voir tes factures. Finalement, les prostituées sont juste bonnes pour eux et pour l'État à payer quelconque impôt par la suite, mais n'ont pas aujourd'hui de statut, elles sont pas reconnues en fait par la société, si ce n'est quand elles peuvent amener un petit peu de pognon, quoi. C'est ça. Alors du coup, en général, la plupart des prostituées, en plus le statut d'auto-entrepreneur, il faut quand même se le dire, c'est quand même un statut de merde, hein, clairement, qui vous fait payer quand même une sacrée quantité d'impôts, une sacrée quantité de taxes diverses et variées. Par contre, en termes de droits sociaux, vous asseyez un peu dessus. C'est-à-dire que la cotisation chômage, c'est un peu raté, la cotisation maladie, c'est raté aussi. Peut-être qu'on va enfin arriver à des choses regroupées, mais enfin, on en est loin. Donc globalement, c'est vraiment une espèce de statut bâtard qui permet une vraie exploitation des personnes sans leur donner aucun retour en droits sociaux. Et on voit très bien d'ailleurs que de toute façon, toutes les grosses boîtes usent et abusent des statuts d'auto-entrepreneurs pour justement éviter au max de payer déjà des impôts et de payer des cotisations, quoi qu'il en soit. Et les putes, c'est pareil. Cette notion de vente, en plus, elle est compliquée et c'est pour ça qu'elle est utilisée. C'est que du coup, on a l'impression que si on dit qu'on vend, notre corps ne nous appartient plus. Comme si moi, personnellement, quand je payais un plombier et que je l'achetais et que du coup, le plombier m'appartient. Voilà. Il reste chez moi, il ne bouge plus. Bon. j'ai aucune envie d'acheter un plombier, pour information. Mais voilà, du coup, non, quand on va chez un plombier, on n'achète pas un plombier, on paye pour une prestation qu'il fait, avec ses limites. Ça veut dire que le plombier, si on lui dit, s'il nous dit qu'il fait telle et telle chose et qu'il y en a d'autres qui coûtent plus cher, eh bien, on devra payer plus cher. Une prostituée, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que si vous venez en disant que globalement, c'est pour une heure et que dans cette heure-là, il y aura peut-être, je ne sais pas moi, fellation, pénétration, sodomie. Si en plus vous voulez vous prendre des coups de fouet ou n'importe quel autre fétiche ou kink divers et variés, ça coûtera plus cher. C'est exactement pareil. Donc c'est pas une vente de personnes, c'est une vente de services. Donc le problème aujourd'hui, c'est aussi le fait que les gens qui se positionnent sur cette thématique sont des gens qui ne connaissent pas du tout cette thématique, qui se rendent pas compte de la je veux dire, crûment de la réalité de terrain pour ces femmes et ces hommes qui... Ah bah non, ce sont des sauveurs, en fait. Hein. On est dans la charité pure et dure. Et d'ailleurs, les grandes associations comme l'Amicale d'Uni ou le Mouvement d'Uni, bon, ces deux grandes associations-là, sont clairement dans une position de charité chrétienne. C'est des associations, d'ailleurs, à la base catholique. Ils reprennent tout ce dogme-là, hein, vraiment, de « allons sauver le pauvre, la veuve et l'orphelin ». Sauf qu'en fait, on n'a pas besoin d'être sauvés et qu'on n'a surtout pas besoin d'eux, surtout pour le travail qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, ils font quoi comme travail ? Si ce n'est faire chier... C'est eux qui, évidemment, touchent l'argent de la part de l'État pour mettre en place les fameux parcours de sortie de la prostitution. Parce qu'aujourd'hui, là, globalement, en fait, on a une condition. C'est-à-dire qu'avec cette loi de pénalisation des clients, vient aussi poser une loi de parcours de sortie. Un parcours de sortie, c'est quoi ? Du coup, c'est une personne prostituée qui va venir voir une association en disant « Bonjour, j'aimerais sortir de la prostitution. » Alors, la blague dans cette histoire, c'est que c'est pas « Bonjour, je voudrais sortir de la prostitution », c'est « Bonjour, je suis déjà sorti de la prostitution », parce que c'est la seule condition qu'il y a à l'entrée dans un parcours de sortie, parce que c'était même plus un parcours de sortie, du coup. Oui, c'est un accompagnement... C'est un accompagnement pour essayer... Vers le portail, quoi. Voilà. Pour essayer d'éviter de retomber dedans, en fait, dans l'idée. D'accord. Alors, pour éviter de retomber dedans, qu'est-ce qu'ils proposent ? Il y a une possibilité, selon les préfectures, d'avoir un titre de séjour pour les personnes sans papier de 6 mois. Et encore, ça dépend des préfectures. On va en PACA, par exemple, tu peux toujours t'asseoir pour avoir... pour avoir un titre de séjour, le préfet a dit non, parce qu'il estimait que ça ferait sinon un appel d'air vers toutes les personnes migrantes qui viendraient du coup en PACA pour demander un parcours de sortie de la prostitution. Il faut savoir qu'il y a eu il y a eu 70 parcours initiés depuis le début, donc l'appel d'air, on y est quand même loin. Ouais. Et à cela s'ajouterait du coup, alors normalement, une allocation pour ces personnes qui sont de la prostitution de 300 euros par mois. 300 euros par mois, il faut savoir quand même que c'est 180 euros de moins que le RSA actuellement. Du coup, je vois pas qui vit aujourd'hui avec 300 euros par mois, moi, personnellement. À moins que tu vives, tu ne vis pas, en fait. Je pense que c'est la survie, même plus, oui. En fait. Je pense pas. Je pense qu'à Paris, avec 300 euros par mois, tu loges dans une niche. Même pas. Non. La niche à Paris est plus chère. Il y a des niches fiscales à Paris qui sont plus accessibles et il y en a beaucoup, mais des niches pour se loger, non, ça coûterait trop cher. Et est-ce que politiquement, du coup, aujourd'hui, il y a des partis, des mouvements qui soutiennent la prostitution. Est-ce que au niveau des, alors c'est toujours la grande hypocrisie. La prostitution, ça a toujours tout le monde été d'accord. Hein. Quand la loi a été votée en 2016, là pour le coup, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on avait à peu près tout le monde qui était main dans la main. De toute façon, il faut protéger les femmes. C'est vraiment les types de lois qui sont les espèces de lois. Qui réconcilie la nation, entre guillemets, quoi. Alors, on a un parti politique, mine de rien, et qu'il faut quand même bien en parler, qui a des positionnements depuis très longtemps sur ces questions-là, qui sont Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'on peut remercier Sergio Coronado et Esther Benbessa, qui étaient respectivement, du coup, députés Europe Écologie Les Verts, et elle, qui est sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui se sont battus quand même sévèrement sur ces questions-là, évidemment par les associations de santé communautaire qui sont sur le terrain. Mais je crois bien que ce soit les seuls. Je pense que sinon, on n'a strictement aucun parti politique aujourd'hui, et même dans les mouvances, parce qu'on parle de parti politique, mais même dans les mouvements d'extrême gauche, que ce soit les ANAR à travers Alternative Libertaire, à travers la CGA, à travers la CNT, à travers toutes ces mouvances-là, même encore aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu des tentatives de création. Je crois que j'ai même eu des amis qui ont essayé de monter des mouvances de travailleurs et travailleuses du sexe à la CGT, à Sud. Je pense qu'on est encore loin, très très loin, d'arriver à quelque chose. Donc le soutien est très faible, quoi. Oui, il l'a toujours été, parce que de toute façon, c'est une population qui est marginalisée à la base, qui est invisible et dont tout le monde se fout, parce que tu as beaucoup plus de chances de gagner en l'opinion publique et en électoralisme en te positionnant comme abolitionniste qu'en tant réglementariste. Et donc, aujourd'hui, concrètement, cette procédure qui a été initiée, qu'est-ce qu'elle dit ? Enfin, dans quel sens elle va ? Alors là, pour l'instant, la présentation s'est faite avec les avocats. Nous, on demande clairement l'abrogation de la pénalisation des clients. On aura le résultat le 1er février prochain, donc vendredi prochain, donc pas celui qui arrive, celui d'après, dans la matinée. Donc on est en attente de la décision de nos sages de du Conseil constitutionnel, qui, bon, on ne sait pas trop, hein, clairement, je pense que ça va être difficile de s'avancer sur la question. Ce qu'on sait, c'est que... bon, je ne sais pas si je peux oser ou si je peux ne pas oser, mais... Tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas te baïonner en direct. Moi, j'aurais dit en les voyant arriver que globalement, j'avais l'impression d'avoir des clients à moi qui arrivaient dans une salle. Oh. Shady. Bien, sur ces beaux mots, je vous propose une dernière petite pause musicale. Et je vous dis à tout de suite. Et rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond, près du radiateur 106.3 FM. Et toujours avec nos chers amis d'Act Up Paris. Toujours bonsoir. Toujours bonsoir. Pourquoi vous êtes surpris comme ça? On a quelque chose, je crois, qu'il fallait quand même aborder aujourd'hui. Nous sommes le 22 janvier et cette journée est la journée... De soutien aux trans incarcérés. Il me semble d'ailleurs qu'actuellement, il y a au bar La Mutinerie une soirée de soutien qui s'y déroule hein, pour l'écriture de courriers aux détenus. Il me semble qu'Act Up Paris soutient cette initiative. Oui, en effet. Alors, pour quelle raison vous êtes inscrit dans cette dynamique ? Act Up Paris a depuis très longtemps une commission qui travaille sur la question de la prison. Et qui travaille sur la prison, pourquoi ? Parce que... la prévalence au niveau du VIH et des hépatites est 5 à 6 fois plus importante en milieu carcéral que dans le milieu général et extérieur. Et en tant qu'association de lutte contre le sida, il était forcément évident qu'il fallait qu'on travaille sur cette question. Sur la question des trans incarcérés, alors là, on est encore dans un autre domaine, c'est-à-dire que globalement, les personnes trans, comme les personnes gays, etc., sont bien plus exposées dans la société que les autres face au VIH. Et donc, du coup, les trans incarcérés, il faut bien s'imaginer qu'on cumule, et donc, du coup, l'exposition est d'autant plus importante. De plus, nous sommes dans un état transphobe, avec des droits qui sont extrêmement aliénés pour les personnes trans en termes de changement d'état civil libre et gratuit, en termes d'accès aux soins, en termes de transphobie sociétale, dans la vie de tous les jours, quoi. L'accès au travail, etc. etc. Forcément, les trans incarcérés aujourd'hui, ce sont des personnes qui... quand on est détenu et qu'on est trans, la répartition va se faire selon le sexe qui a marqué sur vos papiers d'identité, qui, pour la plupart des gens, ne correspondent pas à leur sexe, enfin, du moins leur genre social déclaré. Et donc, du coup, vont se retrouver à l'isolement, en fait, pendant toute leur période d'incarcération. C'est ce qu'on voit régulièrement à Fleury-Mérogis, par exemple. Parce que, forcément, être trans en prison, quand vous êtes dans un milieu non mixte, particulier pour une meuf trans, mais du coup, c'est être incarcéré avec des gens qui cultivent quand même un virilisme extrêmement profond, un machisme très fort, et donc du coup, qui s'exposent à des violences extrêmement importantes. Nous, pourquoi on s'inscrit dans cette journée-là aujourd'hui. Ça a commencé à 17h aujourd'hui par l'écriture de courriers aux personnes trans incarcérées, qui sont souvent en plus... Les personnes trans sont souvent plus des personnes qui perdent très rapidement un réseau social, qui perdent très rapidement un réseau familial. Et donc, du coup, quand elles se retrouvent en détention, se retrouvent coupées de tout. Ont besoin aussi d'avoir un contact avec l'extérieur pour éviter de péter complètement un plomb. Quoi. Voilà, dans l'idée. Donc, du coup, ça se continue. Après, je crois, jusqu'à partir de 21h, il y a un DJ, il y a des fonds qui sont un peu levés à droite à gauche pour des associations qui vont intervenir là-bas. Donc si vous n'avez rien à faire, je vous conseille d'y aller. Globalement, l'idée aujourd'hui, c'est de lutter contre un double enfermement que subissent les personnes trans, à la fois en prison, à la fois en isolement, et puis de lutter tout simplement contre l'isolement social qu'ils subissent dans ces structures qui sont pas du tout adaptées à ces personnes. C'est exactement ça. Comme globalement, de toute façon, ces structures ne sont adaptées à personne. C'est vrai que ça pose tout de suite la question de ce que sont les prisons France, mais à l'international. C'est toute la problématique de l'intersectionnalité des discriminations, de toute façon. Donc, à partir du moment où on est trans et incarcéré, alors si en plus de ça, on est trans, racisé et en prison, enfin... On augmente au fur et à mesure les facteurs de vulnérabilité et les problématiques. Donc aujourd'hui, il faut lutter contre l'enfermement, de toute façon, de oui, base. Je pense que de toute façon, lutter contre les prisons est toujours une bonne chose, quoi qu'il arrive. Ça a très bien montré aujourd'hui, de toute façon, ses limites. Ça n'a jamais montré aucune vertu. L'enfermement n'empêche pas la récidive. L'enfermement... En France, en plus, dans une surpopulation carcérale, où on a des prisons qui sont remplies à plus de 200%, avec 3 à 4 personnes par cellule dans un 9 mètres carrés, ce qui est complètement interdit hein, par les législations internationales, il faut quand même le rappeler. La France est clairement rappelée à l'ordre de manière très régulière sur ces problématiques de traitement inhumain de ces détenus. Donc voilà, et ça va en plus avec la réouverture la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, de la prison de la santé, qui est la seule prison intramuros de Paris, Voilà, où, pareil, on était aussi présents pour montrer notre désaccord par la réouverture de cette prison qui est déjà remplie, qui vient de réouvrir et qui est déjà remplie à 150%. Oui, donc c'est... Parce que nous, quand on... Je sais que quand j'étais sur place hein, pour suivre moi ce qui se passait, la prison à ce moment-là était vide, mais elle était déjà protégée par les forces de l'ordre hein, qui protégeaient un bâtiment vide. Ça prouve encore une fois toute l'idée qu'il y a derrière les forces de l'ordre et ce qui protège. Oui. Voilà, si ce n'est l'État, il n'y a pas grand-chose concrètement qui le protège. Donc, globalement, ça... Les conditions, elles s'améliorent pour les trans en prison. Il y a des choses qui sont qui vont venir petit à petit. Ou... Bah si déjà les conditions des personnes trans pouvaient s'améliorer en dehors de la prison, ce serait déjà une bonne chose. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, de toute façon, on en est loin. Ça fait des années qu'on demande un changement d'état civil libre et gratuit, accessible en mairie. On n'en est toujours pas là. Ça fait des années qu'on demande, du coup, à une formation accrue des professionnels de santé. C'est pareil, on attend encore. Les discriminations sont légion. Le suicide des personnes trans reste de manière extrêmement élevée depuis des années. Donc, tant que globalement, de toute façon, déjà de base, l'État n'aura pas juste fait son travail de protection et d'amélioration des droits pour ces personnes-là, rien que en extérieur, je vois pas du tout comment, en détention, on pourra arriver à quelque chose. Bien. Fréquence Paris Pluriel organise bientôt une soirée de soutien à la radio. Donc c'est une soirée qui se tiendra le 10 février où seront présents notamment Guérilla Poubelle, les Bécasses. Scène de punk, tout ça. Exactement. Là, on sent la fin d'émission. Hein. Donc, ce sera au Centre international de culture populaire. Donc, c'est rue Voltaire, dans le 11e arrondissement, au métro Nation. Ce sera à partir de 17h et on espère pouvoir vous y voir nombreux. Vous pouvez venir à 15h également pour venir vous installer, vous poser avant le coup d'envoi qui, effectivement, commence à 17h pour les groupes. Et voilà, venez pour soutenir la radio. 106.3 FM, on est là avec vous, donc venez. Donc on espère vraiment vous voir. Et pour clôturer cette émission, moi vous savez très bien que j'aime bien laisser une dernière fois la parole à mes invités. Est-ce que vous avez un petit mot que vous souhaitez C'était une belle émission. Envoyer à beaucoup de vérité, beaucoup de choses. À qui de droit ? Oui, alors moi j'ai un petit message. Parmi les éléments que les CRS nous ont saisis et ont annoncé leur destruction, il y avait un sac de 100 préservatifs que Acte Paris a l'habitude de distribuer en manifestation. Alors ça aurait pu être aux militants anti-IVG comme aux militants pro-vie, hein, on aurait pu leur distribuer aussi. Et les CRS nous les ont saisis et ont annoncé leur destruction. Alors moi j'ai un message. Très simple, hein. Castaner rend les capotes. Amen. Et Robin, est-ce que tu veux clôturer cette émission Moi, j'aurais clôturé par quelque chose qu'on dit souvent dans le milieu de la puterie, qui est que l'État est le plus grand de nos proxénètes. Est-ce que tu veux compléter encore un petit peu cette version-là? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'explications. Quand les putes payent des impôts, du coup, on paye beaucoup d'impôts, comme tout le monde, globalement. Par contre, on n'en retire pas beaucoup de droits sociaux, même voire pas du tout. On n'a strictement aucune protection juridique. Quand on va chez les keufs pour porter plainte, c'est que globalement, on nous dit qu'on est pute. Donc, de toute façon, notre consentement n'existe pas. Et donc, du coup, en fait, on ne peut pas se faire violer. Voilà. Je pense que ça explique suffisamment la... Je pense que t'as assez clarifié la situation. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Vous pouvez nous retrouver vendredi matin de 7h à 8h30 sur toujours Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous étiez au fond près du radiateur. Je remercie Thomas qui était à la technique ainsi que l'ensemble des personnes qui sont dans ce studio. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Mardi. 106.3. Thank you. there's another guy on the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine, and a woman's lies makes a life like mine. On the day we met, I went astray, started rolling down the lost highway. I was just a lad, nearly 22, neither good nor bad, just a kid like you. Now I'm in a car from the lost. Took part in the race, but disappeared without a trace.